2. Le lendemain du jour où se passaient les événements que nous venons de raconter, il y avait une petite réunion chez M. Bonington, de Lombard Street. M. Bonington était un des gros personnages du commerce de Londres, et sa maison, qui avait une succursale à Calcutta, possédait une certaine influence sur les transactions de la plupart des marchés importants de l'Angleterre. Son hôtel était donc assidûment suivi, et ses deux filles se trouvaient le point de mire de plus d'un gentleman. Depuis longtemps, M. Bonington était veuf, et en bon père de famille, il n'avait jamais voulu se remarier. De ses deux filles, l'une, Miss Ophelia, était déjà grande. L'autre, Miss Lucy, était toute jeune encore. Il ne crut pas que dans cet état de choses, il pût remettre à des mains étrangères le soin d'élever ses enfants. Et depuis 8 années bientôt, c'est lui qui s'était presque exclusivement chargé de leur éducation. Fût-ce un bien ou un mal, il serait difficile de le dire d'une manière précise. Ce qu'il y a de certain, c'est que les deux filles de M. Bonington avaient grandi et s'étaient développées dans un sens différent, et que nourries des mêmes principes, elles offraient des résultats diamétralement contraires. Explique qui le pourra cette contradiction. Miss Ophelia était longue, un peu sèche, très blonde, et réalisait dans sa plus complète expression le type guindé et froid des jeunes misses que la Grande-Bretagne verse à certaines époques périodiques sur le continent européen. Comme la plupart des insulaires, bien qu'elle professât un enthousiasme sincère pour les modes françaises, elle avait coutume de se mettre d'une façon romanesque, qui frisait de bien près l'extravagance, et comme l'impunité était d'avance acquise à ses ridicules, elle ne s'aperçut pas de l'effet qu'il pouvait produire sur la partie sérieuse de son entourage. La lecture mal dirigée de Shakespeare, de Milton, de Walter Scott, de Lord Byron, jeta d'ailleurs de bonne heure une grande confusion dans son esprit. Elle en reçut des impressions, dont elle s'exagérait elle-même la portée, et il lui arriva fréquemment, dans ses inspirations extravagantes, de se prendre pour une de ces individualités impossibles que les poètes créent parfois dans le but de faire pièce à la réalité. Miss Ophelia avait alors 24 ans. Quant à Lucy, elle en comptait 17 à peine, et c'était bien la plus charmante enfant que le regard d'un homme eût jamais contemplée. Elle avait de beaux cheveux châtains qui encadraient harmonieusement le pur ovale de son visage, des dents d'un émail éblouissant, des yeux bleus tout animés de curiosité naïve. On eût dit que la nature avait mis une sorte de coquetterie à former ce ravissant chef-d'œuvre de grâce et d'élégance. Sa taille était souple et ronde, ses deux mains délicates et fines, et son pied bien attaché eût chaussé le soulier d'un enfant. De toutes ses perfections, Lucie ne tirait pas vanité. Elle savait bien qu'elle était jolie. Cependant, 1000 regards le lui avaient dit déjà, et ne l'eût-elle pas appris de la sorte qu'elle l'eût deviné, grâce à cet admirable instinct que Dieu a mis au cœur de la jeune fille. Elle ne connaissait ni Walter Scott ni Byron, encore moins Milton et Shakespeare, mais sous le voile transparent et chaste de son ignorance, il y avait dans son cœur plus de poésie que dans aucun poème humain. Le salon de M. Bonington se trouvait donc, ce soir-là, rempli d'un choix d'ennemis intimes, parmi lesquels on distinguait quelques gentlemen appartenant à la plupart au haut commerce de Londres. Ce n'était d'ailleurs qu'un petit comité, comme disait Miss Ophelia, et la réunion ne devait pas se prolonger fort avant dans la soirée. Depuis quelques semaines, Miss Ophelia semblait avoir abandonné les hauteurs de la poésie romanesque qu'elle avait fréquentée si longtemps, et en renonçant à chercher son idéal dans les régions nébuleuses de ses rêves, elle avait fini par le rencontrer sur la terre. C'était un fort bel homme, ma foi, major au service de la Compagnie des Indes, et qui venait d'arriver directement de Calcutta. Miss Ophelia s'était éprise assez rapidement de son teint hâlé, de ses belles dents blanches et de son uniforme resplendissant. Le major Turner possédait au surplus toutes les qualités qui ont le privilège d'attirer l'attention des femmes de l'âge d'Ophelia. Il était froid, il se mettait avec un goût exquis, parlait de l'Inde dans une langue étrange et savait commander l'intérêt sans jamais imposer sa personnalité. Le major était donc, pour ainsi dire, le lion de la saison. Et soit que la fortune d'Ophelia l'eût séduit, soit qu'il aimât les femmes longues et sèches, toujours est-il qu'il fréquentait assidûment la maison Bonington et compagnie, et que le bruit de son mariage avait déjà couru par le monde. On causait au milieu du salon et autour de la cheminée. Miss Lucie allait et venait avec une sorte d'inquiétude vague, tandis que sa sœur, assise au piano, le major Turner derrière elle, laissait errer ses mains sur les touches sonores. M. Bonington, plongé dans un fauteuil, entretenait une conversation commerciale avec deux négociants de la cité, et M. Gusbrout, caché dans un angle du salon, affirmait à un interlocuteur attentif que l'on mangeait bon an, mal an, dans la capitale des trois royaumes, 1 580 953 moutons et 83 466 bœufs, et que l'on importait de France en Angleterre 75 956 343 œufs. Londres est la première cité du monde, poursuivit l'honorable membre de la Société de Statistique, heureux de se voir écouté. Nulle part ailleurs vous ne trouverez la même distribution régulière de tous les métiers et professions. Savez-vous, monsieur, que nous comptons à Londres 2 500 boulangers, 2 950 cordonniers, 1 080 marchands de tabac, 1 050 marchands de fromage, le saviez-vous ? Et comme son interlocuteur ne répondait pas, « Vous ne le saviez pas, » conclut M. Gus un peu étonné cependant de son silence, « et ce sont là les premières notions de la statistique. Tenez, moi qui vous parle, monsieur, j'ai écrit un mémoire, un fort long mémoire, Dieu pardonne, duquel il résulte d'après des chiffres puisés aux meilleures sources que les 8 compagnies chargées de l'approvisionnement de l'eau dans les 26 quartiers de Londres fournissent annuellement 191 066 maisons, et que les fournitures réunies présentent un total énorme de 592 536 902 hectolitres. Voilà des faits, monsieur, et pourtant qui les connaît ? Personne. Il n'y a guère que Gusbrout de Piccadilly qui s'occupe de ces questions, et vous-même, monsieur. » Monsieur Gus attendait une réponse, mais son partenaire se contenta de sourire et de s'incliner en signe d'assentiment. Monsieur Gus le regarda étonné. Il commençait à craindre de n'être pas compris, quand il se sentit frapper légèrement sur l'épaule. Il se retourna et aperçut Samuel Hampden. « Eh, c'est vous, mon cher monsieur Sam !» s'écria monsieur Blout, en l'entraînant à quelques pas, après avoir salué son auditeur du geste. « Vous me croirez si vous voulez, mais je suis enchanté de vous rencontrer. »« Vous êtes trop bon, » murmura Samuel. « Et puis, j'ai un renseignement à vous demander. »« De quoi s'agit-il ? De la personne qui causait avec moi quand vous êtes venu me trouver ?» Monsieur Tide, fit Samuel. S'appelle-t-il Monsieur Tide ? De père en fils, et c'est, je puis vous l'assurer, le plus sûr de tous les commissaires-priseurs des trois royaumes. Monsieur Gusbrout n'en demanda pas davantage. Le silence de son interlocuteur lui était suffisamment expliqué. Il ne songea plus désormais à lui. D'ailleurs, il venait d'arrêter ses regards sur Samuel, et il avait été comme frappé de l'altération de ses traits et de la pâleur de son visage. « Vraiment, monsieur Sam, dit-il aussitôt avec vivacité, savez-vous que je vous trouve l'air bien préoccupé ce soir ? J'espère qu'il ne vous est rien arrivé de fâcheux depuis hier. »« Non, je vous assure, répondit Samuel. Mais vous me cherchiez quand je vous ai rencontré. »« En effet. » »« Qu'y a-t-il donc ?» Samuel s'efforça de sourire, comme pour donner le change sur l'importance de ce qu'il avait à dire. « Il y a, reprit-il un instant après, que j'ai un petit service à vous demander. » « À moi, mon jeune ami, mais je suis tout à vous. Vous connaissez beaucoup mon patron ?»« Sans doute. Monsieur Bonington a en vous une confiance qui s'explique quand on vous connaît. Votre patron sait ce que je vaux, le peu que je vaux. Et il vous écoute. Eh bien, j'ai pensé pour des raisons que je ne puis vous faire connaître maintenant qu'il serait peut-être imprudent de lui dire notre rencontre d'hier. Dans le quartier de la flotte ? Précisément. Que cela ne tienne, monsieur Sam. » Et puisque vous le désirez, je ne lui en dirai rien. Je vous serai obligé. Il y a donc quelque mystère là-dessous ? Peut-être. Une jeune miss que l'on va consoler, mauvais sujet. Allons, allons. Soit je serai muet comme la tombe. Le caissier de M. Bunnington n'a pas d'ailleurs de compte à rendre à ce sujet, ni à son patron, ni à M. Gusbrook de Piccadilly. En parlant ainsi, M. Gus serra les mains de Samuel, et ce dernier l'ayant de nouveau remercié, s'éloigna le front moins sombre et le visage moins pâle. Il n'eut pas plutôt tourné les talons que l'honorable membre de la Société de Statistique se prit à remuer la tête en signe de mécontentement. « Murmura-t-il entre ses dents, voici un jeune homme qui prend une singulière route pour gagner la confiance de ses patrons. Mais M. Bonington est le meilleur de mes amis, et sans manquer à la promesse que j'ai faite, je puis bien le mettre au moins sur ses gardes. D'ailleurs, ce Samuel m'a toujours paru nourrir de mauvaises pensées, et qui sait s'il est encore temps ?» M. Brute ne poussa pas plus loin ses réflexions. M. Bonington était assis à quelques pas, il marcha vers lui, et le prit vivement à part. « Bonington, lui dit-il alors à voix basse et rapide, il faut que je vous parle. »« À moi ?» fit M. Bonington. « À vous-même. Et j'ajoute, mon ami, qu'il s'agit d'une affaire importante. » M. Bonington ouvrit les yeux et se leva à demi. « Voyons donc, Brute, répondit-il avec un commencement d'inquiétude commerciale. Aurait-on reçu quelques dépêches télégraphiques au Royal Exchange ? Il s'agit bien de cela. Ma maison de Calcutta aurait-elle suspendu ses paiements ? Non plus. Expliquez-vous. Voici. Vous avez chez vous, je crois, M. Samuel Hampden. Un charmant jeune homme. Le connaissez-vous ? Depuis 2 ans qu'il nous est arrivé de Calcutta. Ce n'est pas ce que je veux dire, mon ami. Franchement et sur votre honneur, que pensez-vous de lui ? Mais rien, je suppose, sinon que depuis 2 ans, il ne nous a donné que les meilleures garanties de moralité. Et il mène une conduite régulière ? Je le pense. Et il ne vous est jamais venu à la pensée qu'il pouvait vous tromper ? Nullement. D'ailleurs, M. Samuel Hampden n'est point un caissier ordinaire. C'est un de nos forts actionnaires. Il n'a pas moins de 10 000 livres sterling dans notre maison. Alors, cela vous rassure ? M. Bonington se prit à rire. « Sur mon honneur, dit-il avec enjouement, que vous a donc fait notre ami Samuel ? Jamais je ne vous ai vu ainsi. Auriez-vous appris quelque chose sur son compte ?»« Je n'ai pas dit cela, répartit M. Brute, qui commençait à être embarrassé. « Et vous ne pouviez pas le dire, mon ami, car Sam est un jeune homme assidu, probe, d'un esprit droit, incapable de tromper personne, et je ne vous cache pas que j'ai sur lui des vues, qui me l'attacheront encore plus étroitement. » Comment cela ? Vous le saurez bientôt. À quoi songez-vous donc ? Le visage de M. Bonington avait pris tout à coup un air de gravité sous lequel perçait comme un reflet de mélancolie qui ne lui était pas habituel. Voyez-vous, mon ami, poursuivit-il à voix lente, quel est l'homme qui, arrivé à mon âge, peut impunément regarder dans le passé, sans craindre de s'y trouver en face d'un remords ? Êtes-vous bien sûr vous-même, mon cher Gus, vous, l'honneur et la probité de Piccadilly, êtes-vous bien certain de n'avoir pas au moins une faute à vous reprocher, une faute dont le souvenir pèse sur votre cœur et trouble à de certaines heures votre existence ? Mais la vie nous emporte tous, mon ami, et c'est vainement que nous chercherions à lutter contre le courant. Cependant, moi, je veux tenter de retourner une fois encore vers ce passé qui n'est plus, et où j'ai laissé le repos de ma vie. « Que dites-vous ? » fit Brute étonné. « Avant quelques mois, j'aurais quitté Londres. Vous ? Avant une année, je serai à Calcutta. » « Est-ce possible ? Là seulement m'attendent le pardon et le repos. Mais vos enfants ? » Bonington sourit doucement et montra du regard le groupe formé par Miss Ophelia et le major Turner. « Ceux-là me suivront, répondit-il. L'Inde est le pays des amours romanesques. Mais Miss Lucy, insista M. Brute, dans quelques jours je vous en dirai plus long. » Cependant, en quittant M. Gus Brute, Samuel s'était posté dans l'embrasure d'une fenêtre, et de là il promenait son regard dans le salon. Quoiqu'il eût un vague soupçon de la vérité, bien des doutes troublaient encore son esprit, et il voulait à tout prix savoir laquelle, de Miss Lucy ou de Miss Ophelia, il avait rencontré la veille dans le quartier de la Flotte. Depuis 2 années qu'il travaillait dans la maison de Bonington et compagnie, Samuel s'était toujours montré d'une assiduité exemplaire, et son esprit droit et vif avait plus d'une fois utilement pesé sur les décisions prises par ses patrons. Aussi était-il traité avec les égards dus à son intelligence des affaires, et toutes les personnes qui fréquentaient la maison s'étaient depuis longtemps habituées à le considérer autrement que comme un simple commis. Miss Lucy elle-même n'avait pas pu se défendre d'une certaine sympathie pour cette nature discrète qui semblait craindre et fuir tout contact. Sa curiosité avait été vivement éveillée, et pour une enfant de son âge, cette curiosité n'était pas sans danger. Un beau matin, la jolie Miss s'aperçut qu'un autre sentiment plus doux s'était glissé dans son cœur, et comme elle n'avait encore appris à rien dissimuler, Samuel ne dut pas tarder longtemps à connaître la vérité. Chose singulière cependant, bien qu'une pareille découverte semblât faite pour lui inspirer une profonde reconnaissance, il parut d'abord en éprouver une vive contrariété. À partir de ce jour, en effet, il devint encore plus taciturne et plus froid que d'habitude, et c'est à peine même s'il eut pour Lucie les plus simples prévenances. Toutefois, il est permis de penser qu'il revint plus tard de sa première impression, car au bout de quelques mois, il consentait à échanger, de temps en temps, quelques paroles avec la jeune miss, et souvent même, il la quittait avec un tendre et doux sourire. Ajoutons qu'au fond de ce sourire, il y avait toujours une profonde tristesse. Cependant, l'heure s'écoulait avec rapidité. Le salon commençait à se dégarnir. Les invités se retiraient un à un. Et Samuel allait en faire autant. Une sourde inquiétude l'agitait. Il était mécontent de tout le monde et de lui-même. Il eût voulu être loin déjà. Et cependant, il ne pouvait se résoudre à quitter son poste d'observation. Enfin, il parut faire un effort sur lui-même. Et quittant la fenêtre où il s'était tenu jusqu'alors, il marcha résolument vers Miss Lucie, qui venait de pénétrer dans un salon voisin. Le salon était désert, et nul ne les observait. Samuel entama immédiatement la conversation. « Pardonnez-moi, Miss, dit-il d'une voix où son émotion se trahissait malgré lui, mais si ma démarche est indiscrète, le motif qui me la dicte n'a rien qui doive vous offenser. »« Qu'est-ce donc, Monsieur Samuel ? » demanda Lucie, en levant sur lui deux beaux regards pleins d'intérêt. « Avez-vous passé la soirée d'hier dans Lombard Street ? Pourquoi m'adressez-vous cette question ?»« C'est qu'hier, vers 10 heures du soir, j'ai eu le bonheur de sauver une jeune fille, qu'à l'instant, pardonnez-moi, j'ai cru pouvoir prendre pour vous. »« Et où cela se passait-il ? Dans le quartier de la Flotte. »« Vous y allez donc souvent ?»« Quelquefois seulement. »« Et M. Bonington ne vous a jamais questionné à ce sujet ?»« Jamais, miss. » Lucie commença un charmant sourire, plein de malice et d'enjouement. « Eh bien, reprit-elle aussitôt, voilà certainement qui est étrange, monsieur Samuel, et je m'étonne que vous songiez à m'interroger, moi qui ne suis guère qu'une étrangère pour vous, quand mon père vous laisse si parfaitement libre, vous qui êtes son caissier. » Samuel se mordit les lèvres. L'observation était juste, il ne savait que répondre. Quoi qu'il en soit, cependant, poursuivit Lucie, qui s'aperçut de son embarras et ne tenait pas sans doute à le prolonger, « comme je n'ai aucun secret à garder, et que vous vous adressez à moi franchement, je ne veux pas vous tromper, ni vous intriguer plus longtemps. La jeune fille que vous avez sauvée hier était bien Miss Lucie Bonington. »« Est-ce possible ? » s'écria Samuel. « Vous, Miss, à cette heure, dans un pareil quartier ? Je vous ai bien trouvé vous-même. »« Oh, moi, c'est différent. Comment donc ? Un secret qui ne m'appartient pas. »« Soit, monsieur Samuel, tous les secrets sont respectables, sans doute. » Mais le vôtre est d'une nature singulière. Prenez-y garde. À vivre ainsi isolé, le caractère s'aigrit, il s'irrite, et de bon que l'on était au début, on devient bien souvent défiant et méchant. Croyez-moi, monsieur Samuel, la fille de monsieur Bonington en sait peut-être plus long qu'elle n'en peut dire en ce moment, et elle vous engage à bien réfléchir à ses paroles. Et sans prêter plus d'attention à la profonde stupéfaction qui se peignait sur les traits de Samuel, elle le salua avec grâce, et alla rejoindre Miss Ophelia, à qui le major Turner racontait sa dernière chasse au tigre.